وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني أن أقسام الإعراب أربعة: رفع نحو يضرب زيد، ونصب نحو لن أضرب عمرا، وخفض نحو مررت بزيد، وجزم نحو لم أضرب زيدا. فزيد في الأول مرفوع بيضرب على أنه فاعله، وأضرب في الثاني فعل مضارع منصوب بلن، وعمرا منصوب بأضرب على أنه مفعوله، وزيد في الثالث مجرور بالباء، وأضرب في الرابع فعل مضارع مجزوم بلم. ولن تسمى حرف نفي ونصب واستقبال لأنها تنفي الفعل وتنصبه وتصيره مستقبلا، ولم تسمى حرف نفي وجزم وقلب لأنها تنفي الفعل وتجزمه وتقلب معناه فيصير ماضيا. Donc les classes de l'Arabe sont quatre: rafa, nasb, khafd et jazm. Rafa tel que yadribu zaydun, nasb tel que lan adriba amran, khafd tel que marartu bi zaydin, wa jazm et jazm tel que lam adrib zaydan. Donc yadribu zaydun, c'est-à-dire Zayd frappe, lan adriba amran, c'est-à-dire je ne frapperai pas Amr, khafad donc marartu bi Zayd, c'est-à-dire je suis passé par Zayd, lam adrib Zaydan, c'est-à-dire je n'ai pas frappé Zayd. Zayd dans le premier exemple est marfou yadrib parce que c'est le sujet de yadrib. Adriba dans le deuxième exemple, lan adriba amran, fi'l mudari' منصوب par lan, et amr منصوب avec adrib parce que c'est le complément, donc complément c'est le maf'oul, maf'oul bihi. Zaydin dans le troisième exemple, majrour avec le ba, marartu bi zaydin. Adrib lam adrib dans le quatrième exemple est un fi'l donc mudari' مجزوم avec par lam. Lan, le harf lan, la sorte de préposition lan, on appelle, est une préposition de négation. Harf ou nafi, ou nasb, et de nasb et istiqbal, de futur, parce que elle nie le fa'al, donc le verbe, et le décline en nasb, mansoub. Elle le rend futur. Walam est appelé donc harf de nafi, préposition de nafi, de négation, et jazm et qalb, changement, parce qu'elle nie le verbe, donc le verbe et le décline en majzoum, tajzimuhu, wa taqlibu ma'nahu, c'est-à-dire change son sens, il devient passé. Lam adrib zaydan, ça devient je n'ai pas frappé Zayd, ça fait un sens dans le passé.